C'est ta réponse, hein. Si elle est toi, il n'y a pas de mal. Tout le monde dit Inch'Allah, on commence. Hein? Un mujtahidun anta am kaslan. Non. Qu'est-ce que t'as compris? Pourquoi t'as dit ça là? Explique-nous ça. Parce que l'Isifam, j'ai fait passer ce qui est concerné. C'est-à-dire là, on a deux, quoi, on a deux descriptions. Soit il est mujtahid ou kaslan. Et on parle qu'à une seule personne. Pour ça, tu ne diras pas un anta mujtahidun am kaslan. Là. Un mujtahidun anta am kaslan. C'est compris ça, Inch'Allah? Taïe, maintenant, suivant. Hiya sin al-yaban. A voix autant pour que tout le monde profite. Amina Sini, Hia, Amina Liaban. Liaban, c'est où? Le Japon. Taïb, au suivant. Atabiba Anti, Amarida. Atabiba Tuna. Atabiba Tuna. Non. Parce que cette règle-là, Atta Marbota, si c'est une liaison, la Takif Alian, la Takul Atabiba Hakala. Atabi batun anti am mefou madat. Cette règle que tu viens de faire, c'est à la fin, par exemple. Allah ybarik fik. Vas-y, répète à voix haute, Othman. Atabi batun anti am maridatun. Là, tu peux dire. Am marida. Taïb, mais moi, par ma, je me demande. Marida, c'est mou marida. Mou marida. Il a dit quoi, le frère? Marida. Marida. Ah là, mou marida. Qu'est-ce que ça veut dire, mou marida, Othman? La malade. Maridatun. Laissez le frère Othman. Taïb va trouver, Inch'Allah. Regarde bien, tu vas trouver tout seul. Regarde l'exemple que tu viens de lire là. T'as dit quoi? Atabibatun. Même un atabiba. Docteur. Docteur, c'est-à-dire là, t'hésites entre quoi là? C'est pas possible. Est-ce que tu es une docteur ou est-ce que tu es malade? C'est possible ça? Regarde, Taïb, tu vas trouver ça. Alors c'est quoi? Infirmière. Infirmière, barakallah fik. Taïb, c'est-à-dire quoi? Atabibatun. Anti, au, am, je veux dire, mumarrida. Là, tu peux faire la règle, mumarrida. Mais moi, je vous dis de temps en temps de prononcer, j'ai envie de voir, est-ce que vous mettez les bonnes terminaisons? C'est juste par rapport à ça. Vous voyez? Au suivant. Avoua ou Taba, Daoud. Anasarahum, Amyahoud. Non, Anasarahum, Amyahoud. Alaykoum salam. Rahmatullah wa barakatuh. Am masjidun hada, am madrasatun. Au suivant. السيارة المدير هذه أم سيارة المدرس؟ نعم السيارة المدير هذه أم سيارة المدرس؟ أفوت متزوج أنت أم عزب؟ سيدير كوا عزب؟ سيدبت أنا السيفان؟ خالاتك هن أم عماتك؟ très bien ما شاء الله الخالة c'est quoi maternelle Ahsant. Suivant. Amin al-Pakistan. Pas Minel, il n'y a pas Minel. S'il n'y a pas Alif ou Nem, Min Iran. Iran. Taïb. Suivant. Très bien, Mashallah. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb. Ta'amil al-Amthila al-Atiya lidhu. Taïb, ce dars-là, Inch'Allah, on le verra vraiment en détail, en plein dans le livre. Mais on va en parler brefement. Hadam il asma al-khamsa, il y a des shurut, des conditions. Mais là, on va parler. Dhu, huna bima'na sahib. Taïb, car vous verrez plus tard, Inch'Allah, il y a dhu bima'na al-ladhi, al-mansoula. Par exemple, tu diras, dia dhu qama, ma'na al-ladhi qama. Ce n'est pas celle-là qui nous concerne. Taïb, mais celle qui est devant nous, c'est bima'na sahib. Taïb, mettez ça si vous voulez écrire. Taïb, le dou qui est devant nous, c'est ma'ana sahib, c'est-à-dire qu'il possède. Taïb, et ce dou-là, il est quoi? Mu'arab. Ma ma'ana mu'arab, ya Abdelkarim? Déclinable. Taïb, ma ma'ana déclinable, ya Wahbi? Comment? A voix haute pour qu'on t'entende. Ahsant. Ah. Tu peux nous donner un mot comme ça qui est mu'arab? Tu peux nous le changer? Ouais. Avec des exemples par rapport à ce que tu connais. ذهبت الى المدرسه نعم المدرسه الان مجرور ان اكزامبل ان اوتر اكزامبل وابي تاكنو moi je veux voir si tu nous donnes plusieurs exemples moi si je te dis ya haoula yankasra raitu haoula yankala kasra

مفهوم هذا؟ مذكر أو مؤنث. C'est bon, t'as compris? Il faut écrire, Abdallah. Sinon, t'enregistres. C'est simple, ça. Taïb, dernière fois, Taïb. On a dit quoi? Le chiffre 100 et 1000. La chose comptée, elle sera quoi? Majrour. Taïb, Inch'Allah? 100 et 1000, naam. Taïb, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Et la chose comptée, elle peut être féminin ou masculin. Qui était l'inverse dans quoi? De 3 à 10. Ça veut dire 100 et 1000. Ça ressemblait de 3 à 10 dans quoi? T'as pas fait attention, Taïb? Non, t'as fait attention, Inch'Allah? C'est-à-dire quoi? Il est majrour. Taïb? 100 et 1000, il est majrour, la chose comptée. Et de 3 à 10, la chose comptée, elle est majrour. Mais dans 3 et 10, on faisait attention à quoi? Si la chose comptée, elle était masculine, voilà, si la chose comptée était masculine, le chiffre était féminin. Alors que de 100 et 1000, la chose comptée, elle peut être masculine ou féminin. Comme on le voit dans l'exemple, on dit quoi? Mi'atu rajulin ou mi'atu imra'atin. C'est compris ça, Inch'Allah? C'est pas masculin toujours. Tu dis talatou, talibatin, c'est féminin. C'est dans l'ans. Taïb, Inch'Allah? Tout le monde a compris? Et qu'est-ce qu'on a dit sur Mi'a hier, il y a Wahbi? On a donné une règle. Andek? Le alif. Regarde, quand je lis, est-ce que je prononce l'alif? Mi'atou. Taïb, Inch'Allah? Tuktab, voilà, tuqara. Taïb, Inch'Allah, ça vous notez ça. Et ça, il y a également, il y en a d'autres. Taïb. Par exemple, le waw, le jama'a, qalu, ya alif. Tu dis pas qalu, ah, kada, là. Tuktab, voilà, tuqara. Taïb. Ana. Taïb, bismillah. Tout le monde a compris la règle de 100 et 2000? C'est bon, Bilal? Abdelmajid? Taïb, Inch'Allah. On s'est arrêté où, là? À toi dans la caméra, la voix haute. Bi-alfi rialin. Suivant. Tilfazou, ça veut dire coûte? Non, tilfaz, c'est la télé. La télé? Non. Ça, c'est des mots. Ils n'ont pas de base à la base. C'est-à-dire, c'est pas des mots arabes. Ça n'existait pas à la télé. Attendre Rasoulallah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme, par exemple, cinéma. On lui donne ses syllabes. Cinéma, tilfaz, taïb. Et là, le pourquoi il y a tilvaz, c'est que il n'y a pas le V dans la langue arabe. Mais sinon, vous allez voir beaucoup de mots comme ça qui n'existaient pas. On le laisse comme chez les kofars, comme cinéma. Mais faut mal. Comment? Musique. Mais il y a en arabe le rina. Allah ybarik fik. Taïb, ça existait le rina, c'était haram. Non. نعم عندي ألف دولار نعم في هذا الكتاب مئة صفحة شوفا نعم بكم هذه الحقيبة هي بمئة ريال شوفا في هذه الكلية مئة طالب من باكستان ومئة طالب من إندونيسيا. très bien. في هذه الكلية مئة طالب من باكستان ومئة طالب من إندونيسيا. الكلية ما معنى الكلية يا سامي؟ université. faculté également. طيب. tout le monde a compris cet exercice inshallah. طيب. كون جملان مستعمل الكلمات الآتية. كونا ما معنى كونا يا عبد الله؟ le verbe كونا. construire. Ah, ici, c'est pas construire, tu vas construire la démo. Non, mais... Former, voilà. Taïb, par rapport au texte. Taïb, forme des phrases en utilisant quoi? Les mots suivants. Taïb, Inch'Allah, ça je vous demanderai demain. Dakiyun, c'est-à-dire intelligent. Mi'a, sans. Mutazawij, marié. Azabun. Taïb, célibataire. Khulukun, caractère. Dollar, c'est le dollar. Khalin, cher. Al-Kalimatu, al-Jadidatu. Taïb, c'est-à-dire demain, Inch'Allah, chaque frère il met ça dans quoi? Dans une phrase. الكلمات الجديدة لنفهمه ذكي جمع أذكياء intelligent 100 متزوج marié معجم جمع معاجم dictionnaire